Chapitre 20e, le crime. Le pêcheur est matinal. Est-ce parce que généralement vertueux, il aime avoir levé l'aurore? Oui et non. L'aurore réveille l'appétit du poisson. De l'aube à 10 heures du matin, ça mord. Voilà pourquoi le pêcheur ne s'attarde pas au lit. Tel était Monsieur le Noël. Quant à Armand, avec sa nature de sauvage, de mohican, de peau rouge et d'artiste, on comprend qu'il devait adorer le pittoresque. Fernande aurait passé sa vie sur l'eau. Une petite tente à l'arrière de la belle poule pour l'abriter du soleil, la Seine et son merveilleux panorama de collines verdoyantes devant elle, Armand à ses côtés. Le Noël, avec sa bonne figure et son œil braqué sur le bouchon, c'était pour la jeune fille une des plus heureuses situations où elle pût se trouver. Quoiqu'un peu paresseuse, Fernande, quand il s'agissait de pêche, était presque toujours la première debout. Elle se couchait à 8 heures, et au premier appel de son réveil matin, elle se levait, revêtait un joli costume de fantaisie, et éprouvait une joie enfantine à réveiller toute la maison. En fait, elle était charmante. Le jour allait poindre, et dans la pénombre, la jolie figure de Fernande, sa taille svelte, les belles lignes de son corps, se dessinaient en une silhouette où les reliefs commençaient à se révéler. Le frais la fit tousser. Armand, qui l'admirait, restait là, toujours étonné d'être aimé par une si belle fille. Elle lui jeta sur les bras son châle. « Allons, monsieur, dit-elle, soyez galant et ajustez mon châle. » Il l'enveloppa dans les légers plis du fin cachemire et il éprouva un plaisir infini en effleurant de sa main frémissante ses épaules et ses hanches divines. Elle eut aussi des tressaillements qui se traduisirent par un long regard de tendresse à son fiancé. Ils montèrent en calèche et deux monchots les emportèrent à l'île de la Jatte. Dans la voiture, Armand se trouvait en face de Fernande et le chaos fit que la bottine de la jeune fille effleura la sienne légèrement. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort du docteur, il se sentit des audaces amoureuses. Il emprisonna de ses deux pieds celui de Fernande. Elle le retira faiblement. Il la regarda d'un air si suppliant qu'elle se mit à rire et lui laissa cette joie de céder. Quand il eut remporté cette petite victoire, il s'en trouva embarrassé. Il eut voulu, par des pressions muettes, dire 1000 choses à cet adorable petit pied. Mais il n'osait plus et il restait muet, c'est-à-dire immobile. Fernande le regarda avec un certain étonnement. L'esprit lui était venu peu à peu depuis la soirée dont nous avons raconté les scènes naïves. Elle ne trouvait pas grand mal au choc d'une bottine contre une autre. Était-ce donc une faute? Était-ce manquer de convenance même? Ils s'aimaient, ils devaient se marier, ils se marieront quand ils voudront. Il n'y avait rien à redire, un petit échange de pensées par le contact des pieds enlacés. Pourquoi Armand se taisait-il? Il lui parut trop timide. Commencerait-elle? Non, certes, à moins d'une occasion. Elle s'impatientait toutefois. Si elle avait su ce qu'éprouvait Armand, un peu de rouge serait monté à ses joues. Elle ne se rendait pas compte de l'effet produit par la douce chaleur d'un jupon couvrant le bas du pantalon d'un cavalier. Il se dégage un fluide enivrant qui vous engourdit d'abord et vous anime ensuite de son action pénétrante. Armand se laissait envahir et il fermait délicieusement les yeux. Il se taisait. Monsieur le Noël observait. Non qu'il se doutât, le cher homme, que Fernande, peu à peu déesse, devenait femme et en arrivait à s'irriter de ne pas recevoir une innocente et discrète caresse. Au contraire, il crut à une brouille. « Qu'avez-vous ? Dit-il. « Est-ce que vous vous boudez ?» C'était l'occasion de demander. « Mais non, dit-elle, n'est-ce pas, Armand, que nous ne nous boudons pas ? Au contraire !» Et un très léger rappel de la bottine qui semblait dire « comme il se trompe » fut une invitation à se montrer un peu plus hardi. Et il osa partir de ce moment. La course n'était pas longue. Il ne s'enhardit que bien peu, mais Fernande, en descendant de la calèche, était de la couleur d'une cerise. Monsieur le Noël s'écria. « Voyez, ma chère petite, comme se lever matin d'une bonne hygiène, vous voilà toute rouge. »« C'est l'effet de l'aurore, » dit Armand. « Le ciel est pourpre, le vent. »« C'est probable, » dit naïvement Monsieur le Noël en regardant l'Orient. Puis il reprit. « Armand est comme un coquelicot. » Armand avait ses raisons pour ressembler à cette fleur des champs. Monsieur le Noël conclut. « Je dois avoir une tête d'écrevisse cuite, moi qui suis très monté en couleur ordinairement. » Il embarqua avec des précautions minutieuses comme un vrai batelier qui ménage son embarcation et qui évite toute secousse. Il tendit la main à Fernande et celle-ci sauta légèrement sous la levée. « Mignonne, asseyez-vous à l'arrière. Vous êtes toujours notre capitaine et vous tiendrez la barre pour gouverner. Nous allons nous placer à 10 mètres en avant de ce réverbère. Il y a juste sous lui un égout. » « Monsieur Le Noël, dit Fernande, allons ailleurs, les égouts, cela gâte le paysage. »« Celui-là est sous-marin, dit en riant Le Noël. On ne le voit pas et on ne le sent pas. » Armand lança la belle poule si vite que bientôt Monsieur Le Noël cria « Stop !» Il lança son ancre, puis le pétrit de la terre, la roula en pelote avec force blé cuit et lança une 20aine de boules en amont. Il s'interrompit. « Mes enfants, dit-il, un coup de chapeau pour l'ami soleil, le voici levé. » Et M. Le Noël, moitié grave, moitié souriant, retira son panama. Armand et Fernande regardèrent à l'Orient. Ils se laissèrent aller à la contemplation. M. Le Noël mit sa ligne à l'eau et murmura. « C'est poétique, la jeunesse. Mais moi, je suis pratique. Au lieu de rêvasser, je pêche. » La scène, cependant, était charmante et digne d'intéresser même un homme pratique. Aussi, M. Le Noël finit-il par oublier peu à peu sa ligne. Il regarda lui aussi. Au-dessus de la colline de Montmartre, versant ses torrents de lumière, le disque d'eau du soleil éclairait Paris, les campagnes et les forêts avoisinantes. À travers les éclaircies des arbres, vers l'Orient, le regard plongeait jusqu'aux cimes que couronne le mont Valérien, géant de pierre, gardien de la Seine. Plus à gauche, s'ouvrait la trouée du Val Fleuri, et au loin, les bois verdoyants s'escarpaient au flanc des collines de Meudon. Serpentant au milieu de l'amphithéâtre décrit par la chaîne de Mamelon autour de Paris, la Seine déroulait ses rubans d'argent, moirés à cette heure par les vapeurs du matin. Tout s'éveillait doucement. La fauvette de roseau chanta la première sur la rive, mêlant sa note aux roulades des rossignols de muraille et au sifflement du merle. Un peu plus tard, le pépiment des moineaux renforça le concert, les pigeotières des appels retentissants, et les corbeaux pêcheurs descendirent sur l'eau en couassant, tandis que les hirondelles laissaient tomber en rasant la rivière leurs petits cris plaintifs et doux. La rosée perlait les feuilles, les herbes et les fleurs. Les grands arbres bruissaient aux caresses de la brise et les joncs se balançaient avec grâce sous la double action de l'air et du courant. Sur l'eau, les nénuphars et myosotis formaient des nappes d'émeraude trouées de topazes et de turquoises, au-dessus desquelles, passant comme un trait, le martin pêcheur faisait miroiter ses couleurs métalliques. Peu à peu, lentement, le paysage s'anima. Les vaches laitières montrèrent leurs mufles écumants à travers les taillis et la chaude buée de leurs naseaux se mêla aux froides évaporations du fleuve. Les chèvres envahirent les rives, grimpant partout et broutant les bourgeons. Les chiens les poursuivaient avec des aboiements sonores. Tantôt fuyant, tantôt faisant tête, les chèvres finissaient toujours par se réunir en troupeau et par charger bravement, et ces luttes se poursuivaient à travers l'île avec des péripéties joyeuses. Le soleil devenait chaud. Fernande, sentant ses rayons bienfaisants sur ses épaules, ôta son châle avec un geste lent qui développa ses formes. Armand remarqua que depuis quelques mois, la gorge se développait et que le sein révolté poignardait le poignard. La jeune fille devenait femme. La hanche se révélait plus riche qu'autrefois et ses reliefs soulevaient la jupe avec une audace qui forçait le regard à se faire une fête de cette contemplation. À ces indices, on reconnaît que l'heure est venue, où d'anges les filles pures aspirent à devenir madone. L'œil, toujours pur, se voile de langueur. Les lèvres ont des sourires plus tendres. Les poses sont plus abandonnées. Jamais Fernande n'avait paru sous cet aspect armant. Depuis la mort du docteur, le chagrin avait jeté sur l'amour son crêpe noir. À cette heure, en ce lieu, sous le ciel bleu, sur l'eau verte, Fernande resplendissait dans l'épanouissement de sa beauté. Elle était le bouton de rose que vous avez laissé l'abeille à peine entr'ouvert et dont le soleil du matin a brisé les enveloppes. À cet instant fugitif, la fleur offre encore des fraîcheurs de ton, des plissements soyeux de pétales qui lui conservent une grâce attrayante et naïve. Ainsi de Fernande. Elle éprouvait des sensations inconnues. Elle avait des aspirations inconscientes. Elle était femme enfin et ne le savait pas. Son regard rencontra celui d'Armand. Ce fut comme un choc électrique. Ils se sourirent tous deux, se comprenant par la puissance de divination que l'amour mettait au cœur des jeunes gens, puis ils jetèrent un coup d'œil furtif et rapide sur M. Le Noël, qui semblait fort occupée de sa ligne à laquelle un gardon mordait. Elle se pencha avec ivresse et ses lèvres reçurent un baiser passionné, mais une vive raillerie les fit tressaillir. Monsieur le Noël avait tout vu. « Ça, dit-il, puisqu'on s'aime si tendrement que l'on se marie, je vais faire publier les bans. Il est temps de remplir les volontés de cet excellent docteur. » « Soit, mon ami, dit Fernande, et elle tendit la main à Armand. Celui-ci, qui avait craint d'épouser une froide déesse, une statue de marbre, fut certain de ce jour que, comme Pygmalion, il animerait de son souffle. « Mes enfants, dit Monsieur le Noël, me voilà tout joyeux. Demain, je fais les démarches, et je propose de partir pour l'Italie après la cérémonie. « Nous visiterons les musées, dit Fernande. Je verrai les lacs, les Alpes, les Apennins. Mon idée est adoptée alors. À l'unanimité, avec enthousiasme. » En ce moment, Monsieur le Noël ferra un gardon et le retira en disant « Attention, ça va donner, la place est bonne, cet égout. Mais quel égout ? » interrompit Armand. « Je ne vois pas d'égout, moi. » »« Il y en a un, » dit le Noël. « Laissez-moi vous expliquer ça. Autrefois, la Seine, qui aujourd'hui dans ce bras est surélevée de plus de 2 mètres, la Seine, dis-je, coulait 2 mètres plus bas. Les égouts étaient au niveau de la rivière à cette époque-là. Depuis, on a établi le barrage. L'eau a remonté et caché les bouches d'égout. Rien d'étonnant, n'est-ce pas, à ce que l'on ne les voit plus. Mais moi, je connais les emplacements. Le poisson aime les détritus qu'un égout apporte. De plus, dans le canal plein d'eau que forme l'égout submergé jusqu'à une certaine distance, il trouve un refuge où il se garde des filets et de la chasse que les brochets donnent en rivière. En nous plaçant en amont de l'égout, en amorçant comme j'ai fait, j'arrive à faire passer devant la retraite du poisson mon blé très odorant. Grâce à une goutte de musc, les gardons, vrais méchevaines, sentent l'appât, sortent et remontent vers nous. Et hip là, je les pince. Se disant, Monsieur le Noël repiqua un Henriot et le fit sauter dans le bateau. Vous voyez, ça mord, dit-il. Mais les jeunes gens n'étaient plus à la pêche, ils se remirent à causer d'Italie. Seul Monsieur le Noël apportait de l'attention à sa ligne et la boutique s'emplissait. Survint une barque. Ah, dit-il, des jeuneurs. « Voilà des gens qui vont pêcher. » En effet, dans la barque, on voyait de longues gaules en roseau. Monsieur le Noël n'aimait pas avoir de voisins, et il se montra contrarié. Il se rassura un peu quand il vit les nouveaux venus s'arrêter à 30 mètres au moins de lui. Les nouveaux venus parurent à Monsieur le Noël des pêcheurs émérites. Ils prenaient bien leurs mesures. « Ces personnes n'ont pas de bonne figure, » fit observer Fernande. « Si l'on jugeait les gens à la mine, on se tromperait souvent, » dit Monsieur le Noël. Au même moment, une autre barque débarquait du port et descendait. Ceux qui la montaient se dirigeaient en aval de la belle poule, et M. le Noël remarqua qu'excellents confrères, les pêcheurs passaient à distance. Cependant, Fernand dit « Quel drôle de monde !»« Ce sont des ripeurs, » répondit Armand. « Ces gens-là sont des pirates d'eau douce. »« Voilà le mauvais côté de la pêche, » dit M. le Noël. « On est exposé à voir près de soi de la canaille, mais on est quitte pour ne pas lui parler. » La dernière barque se posta à 40 ou 50 pas au-dessous de la belle poule. « Encore de bons pêcheurs, » fit le Noël. « Nous n'avons pas des mazettes pour voisins. Voyez comme ils savent lancer l'amorce. » Et il se remit à pêcher. Monsieur le Noël, depuis une demi-heure, avait posé une ligne à carpe. Il y en a d'énormes dans le petit bras. Tout à coup, Monsieur le Noël vit le bouchon de sa ligne à carpe filer à fond d'un seul trait brutal. Il ferra, la gaule pliée en deux. « Vite !» dit-il ému, « lâche les cordes, quitte le bateau et laissons filer. » C'était la tactique favorite de Monsieur le Noël quand il tenait une grosse pièce. Il devait cette excellente méthode à l'exemple de Monsieur Pointeau. Armand se hâta. Si Monsieur le Noël n'avait pas lâché de la soie à l'aide de son moulinet, le monstrueux poisson qu'il retenait aurait tout emporté. Enfin, le chasse-canard fut libre et la carpe le promena en rivière. Désormais, à peu près sûr de dompter son poisson, Monsieur le Noël respira. La carpe tirait, Monsieur le Noël résistait, s'arc-boutant au bateau qui était entraîné en avant avec la vitesse d'un cheval au petit trot. « Elle se lassera, » dit Monsieur le Noël, « je parie 20 livres. » Si Monsieur le Noël n'avait pas été extraordinairement occupé, il se serait aperçu que, sans bruit, les pêcheurs voisins semblaient se préparer à un incident qu'ils prévoyaient sans doute. Ils avaient placé leur croix à portée de la main et lâché leurs amarres. Dans une des barques, l'adrège dit à Silor. Vous voyez que le fond va bientôt céder. Je m'y attends. Les autres sont comme nous. Il est de fait que les secousses doivent joliment ébranler le bateau. Paf ! Ça y est, rame ferme ! Et Silor se tint à l'avant, le croc en main, pendant que la drège lançait la barque. Le fond de la belle poule venait de tomber dans la rivière et les trois personnes qui la montaient avaient disparu sous l'eau. Les débris du chasse-canard noyé, comme on dit en termes de marine, avaient coulé. La catastrophe s'était produite à quelque distance de l'égout dont avait parlé M. Le Noël et en amont. Déjà, la seconde barque venait elle aussi sur le lieu du sinistre. Bientôt Armand, qui nageait avec une vigueur incomparable, reparut soutenant Armande. Peu après, M. Le Noël revint à la surface, tirant sa coupe avec sang-froid. « Du calme, dit-il, ce n'est rien, voilà du secours !» Et aussitôt il se sentit pris par un croc. Armand fut saisi par un autre. Les deux barques avaient fait force de rame et portaient le secours, que nous savons. Armand et Le Noël se sentirent attirés sous l'eau, loin d'être hissés. Un sourire sinistre de Silor, que le jeune homme vit avant de disparaître, lui donna un premier soupçon. Avec sa force herculéenne, Armand déchira facilement ses pans de vêtements dans lesquels le croc avait mordu, et sans lâcher Fernande, il plongea, fila entre deux eaux et revint à la surface. Il se trouva que M. Le Noël avait pu, lui aussi, se débarrasser du croc. Il avait vu, sous l'eau, Armand nager dans le sens du courant. Il le suivit, bientôt ils reprirent l'air. Fernande était étourdie, mais elle respirait. Les barques se trouvaient à quelques 7 ou 8 brasses, et M. Le Noël entendit Armand lui dire rapidement et avec une conviction profonde « Ces gens veulent nous noyer !»« Ils ont décloué le bateau !» dit M. Le Noël. « Personne sur les rives !» fit Armand. En ce moment, Le Noël, voyant que les barques venaient rapidement à eux, dit Armand « Vite, vite, à terre !» Mais la drèche manœuvrait à couper la retraite. Par un hasard fatal, personne en ce moment ne paraissait ni sur le quai ni dans l'île. Les noyeurs avaient beau jeu. Il fut bientôt impossible aux naufragés de conserver un doute sur les intentions de leurs adversaires. Les gaves s'allongeaient, cherchant un crochet. « Laisse-nous donc aller à terre !» cria le Noël. « Vous voulez donc nous assassiner ?» Des ricanements lui répondirent. À force de nager, de plonger pour éviter les crocs, de faire des efforts surhumains pour déchirer les habits que les fers avaient saisis, le Noël et Armand parurent être à bout. Le vieux pêcheur dit quelque chose que les nageurs crurent être un dernier adieu. D'une voix basse et étranglée, au jeune homme, il se laissa couler. Armand, épuisé ou découragé, désespérant sans doute, disparut à son tour avec Fernande. Alors, les noyeurs, jugeant la partie gagnée, se regardèrent en riant. Leur tâche sinistre semblait finie. Ils se mirent en observation pour voir si leur victime reparaîtrait. 5 minutes s'écoulèrent, rien. 10 minutes, toujours rien. 1 demi-heure encore, rien, absolument rien. Alors ils allèrent du monde. Tous les gens de l'île vinrent les uns en bateau, les autres sur la rive. Partout la rivière fut sondée, impossible de retrouver les cadavres. Comme le barrage arrêtait tout à 200 pas de là, les corps devaient être dans un espace assez restreint, facile à fouiller. On jeta les filets, pas de résultat. Le pêcheur Fabius, expert en pareilles occasions, déclara qu'il fallait que quelque chose d'extraordinaire se fût passé, car ayant barré tout le bras avec son filet à blette, il aurait évidemment ramené les cadavres. Ses avant-corps étaient sous l'eau. Les plongeurs explorèrent le lit du fleuve, ils ne virent rien. Cette triple mort laissa dans Neuilly et dans tout Paris une pénible impression.